Yeah, Edmund, let's cruise it for you. Yeah, come on. Un nouveau chapitre écrit au crayon, avec un arbitre qui dit fais pas le con. Je vais me repentir, oui, monsieur le curé. Arrêtez de mentir, je vais me relever. Je prends une nouvelle tête et la vie qui va avec. Coupe, coupe, coupe et tombe par terre, les cheveux dans la soupe aux pommes de terre. Je me rase de près pour avoir les joues lisses et le sourire envié contre le vent glisse. Je prends une nouvelle tête et la vie qui va avec. Maintenant j'ai une épée, une cotte de maille. Tu peux toujours frapper, mais je me sens de taille. Je prends une nouvelle tête et la vie qui va avec. Celle d'avant je la jette et on dira de moi comme il se garde ce mec.